Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise bien sûr, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2023 sur le stand de E20 où je me trouve avec Philippe Langor, l'un des fondateurs de Diète Plus. Alors bonjour Philippe Langor, est-ce qu'en deux mots vous pourriez vous présenter ? Oui, d'abord bonjour à tous, Philippe Langor, donc je suis fondateur et président de Diète Plus. Alors Diète Plus, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, plus on peut en savoir plus. Alors Diète Plus, c'est le premier réseau de rééquilibrage alimentaire en France. On a plus de 230 centres, on est aussi à l'international et on est vraiment spécialisé notamment dans la perte de poids, avec un gros avantage qu'on a un développement très important à l'heure actuelle parce qu'on est sur un marché de masse. Et c'est aussi 12 années d'expérience, c'est quand même important de le dire. Alors on sait parallèlement que le contexte actuel est un peu mouvementé, hein. Je pense notamment à la crise sanitaire du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation, bref, contexte mouvementé, on peut le dire. Alors comment se positionne votre réseau dans ce contexte ? Alors c'est plus qu'un positionnement parce qu'on les a déjà vécues, ces trois crises. Donc pendant le Covid, on s'en est très très bien sorti. Alors évidemment, quand les boutiques étaient fermées, c'était un peu plus compliqué. Mais on est toujours sur un marché. Donc le Covid, qu'est-ce qu'il a fait ressortir ? C'est que la perte de poids est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir que les gens en surpoids ont subi plus fortement cette crise. Et donc quelque part, on devient quasiment un besoin essentiel, un besoin de santé publique. Donc ça nous a aidés, ça nous porte encore pour l'instant. Donc ça, c'était important pendant la période Covid. Et puis étonnamment, pendant cette crise de la guerre d'Ukraine avec l'inflation, on n'est pas du tout impacté. Pourquoi ? On s'est renseigné auprès du panier moyen des moyennes par boutique, parce que quelque part, on est un besoin essentiel. Donc ça veut dire que c'est sûr qu'il y a des secteurs qui vont être très impactés donc, par la crise, par l'inflation, mais nous pas, parce que quelqu'un qui a besoin de perdre du poids pour quelque part améliorer sa santé pour vivre mieux, c'est quasiment un profit pour lui. Donc quand il vient chez Diète Plus, il est gagnant. Vous êtes, j'imagine, sur un secteur concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Alors comment vous faites pour vous différencier ? C'est un tel marché, donc évidemment il y a beaucoup d'acteurs dans la perte de poids, c'est sûr. En franchise, il n'y en a pas tellement que ça, donc si on veut devenir dans ce secteur-là, donc c'est un avantage pour un futur franchisé, c'est que pouvoir bénéficier d'avoir ce marché de masse très important, rentable, pour un franchisé, pour un futur coach ou un futur franchisé, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et on est le principal acteur dans le rééquilibrage alimentaire. Donc vraiment, je dirais à cette personne que c'est un potentiel très important. Vous vous développez actuellement sous forme de franchise, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce fonctionnement, est-ce que vous pouvez les éclairer ? Qu'est-ce que c'est en fait la franchise ? Alors la franchise, c'est quoi ? C'est un concept qu'on a développé, qu'on a mis en place depuis de nombreuses années, qu'on affine évidemment. Il y a beaucoup de nouveaux projets et quelque part, on va faire bénéficier le franchisé de tout le know-how, de toute la connaissance, de toute la communication et de notre savoir-faire et aussi évidemment des produits. On va jouer au jeu du candidat, donc je me mets dans la peau d'un porteur de projet, d'un candidat à la franchise en fait. Pourquoi je choisirais votre enseigne plutôt qu'une autre ? Alors d'abord, c'est à vous d'être convaincu, parce qu'il faut savoir que devenir franchisé, c'est un changement de vie important. 90% des franchisés sont des ex-employés, donc c'est à vous de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Après, je crois qu'il suffit de regarder les chiffres. On est l'acteur le plus important. Donc, quelque part, c'est important dans une franchise, l'aide que je peux vous apporter, de par la puissance qu'on a, les moyens financiers, on est certainement le réseau dans ce domaine-là qui peut vous apporter le plus pour réussir. Mais malgré tout, il faut d'abord voir si ça matche entre nous. Donc c'est très important et on met beaucoup d'outils où on peut aller à votre rencontre justement pour que vous découvriez ce que Diète Plus peut vous apporter pour que vous soyez sûr de réussir chez nous. Qu'il y a un profil type pour vous rejoindre ? Pas de profil type. Malgré tout, c'est sûr qu'on va chercher des profils qui ont un peu de sens commercial, c'est sûr, mais qui ont envie d'aider l'autre. Parce qu'on est vraiment le coaching. Donc, qu'est-ce que va faire si vous êtes demain un coach chez Diète Plus ? Eh bien, vous allez accompagner principalement des femmes, mais aussi des hommes, dans le domaine de la perte de poids. Mais pas des 2-3 kilos, des gens qui ont 15-16 kilos. Donc, quelque part, on a un lien très fort qui va se créer entre le coach, donc votre futur métier, et le futur client. Et donc, ça crée quelque chose de très fort. Et donc, il faut vraiment vouloir donner du sens à sa vie pour réussir chez nous. Mais la question que se pose forcément un candidat à la franchise, est-ce que c'est rentable de vous rejoindre ? Allez, plus de 230 centres, 12 ans d'expérience, très forte rentabilité. Mais qui va dépendre aussi, parce que la rentabilité, c'est un des points essentiels. Si on ne gagne pas d'argent, évidemment, c'est un problème. Mais aussi, c'est la qualité de vie que vous aurez chez nous. C'est ça le plus important. Vous allez pouvoir ouvrir un centre dans une ville à partir de 7000 habitants et quelque part avoir des horaires aussi qui sont convenables. Et aussi la relation que vous aurez avec les clients. Donc vraiment, on agit sur énormément de facteurs très positifs. On change la vie de nos clients, mais aussi de nos coachs. Nous arrivons déjà au terme de cette interview, donc j'aimerais vous laisser carte blanche pour le mot de la fin, donc allez-y, quand vous voulez. Disons que je dirais ce que certains de mes franchisés me disent par la suite, c'est qu'ils auraient dû venir chez nous plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'on offre vraiment une opportunité, de nouveau, si ça match, si ça vous convient, c'est vraiment dans des petites villes, donc 7-8 000 habitants, où il y a peu de possibilités souvent de lancer comme commerce, eh bien on a vraiment un commerce, une activité pertinente et puissante. Comment faire pour vous contacter ? Getplus.fr. Allez voir sur le site. Eh bien, un grand merci à vous, Philippe Langor et au réseau Getplus, hein, pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparé. Mais bon, vous le savez, hein, Radio ETS est toujours là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Getplus, n'hésitez pas à le contacter sur getplus.fr ou .com. Vous trouverez également le podcast de cette interview sur Radio ETS, sur choisirsafranchise.com et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt, merci encore Philippe Langor. Merci à vous.